Section 23 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États. 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 5, troisième partie, Les Arts, par Eugène Mounts et Henri Lavoie. Le règne de Saint-Louis avait marqué l'apogée du style gothique. Partout dans l'architecture, la sculpture, la peinture sous toutes ses formes, les arts décoratifs les plus divers, le génie français avait manifesté une éclatante supériorité et imposer ses tendances au reste de l'Europe. Quelles furent les vicissitudes de notre école pendant les deux siècles qui s'étendent de la mort de Saint-Louis à la mort de Louis XI, de 1270 à 1483 ? Tel est le sujet que nous avons à traiter ici. Ne pouvant énumérer ni toutes les œuvres ni tous les artistes, nous nous attacherons à mettre du moins en lumière les principaux courants de l'art français pendant cette époque si troublée. Les mécènes du XIVe siècle, papes d'Avignon, rois et princes royaux. Si nous envisageons en premier lieu les conditions matérielles dans lesquelles prenaient naissance les œuvres d'art, une constatation s'impose à nous. C'est que de la fin du XIIIe au commencement du XVe siècle, la France pouvait rivaliser avec n'importe quelle nation, non seulement pour l'abondance et la variété des ressources, mais encore pour la magnificence ou l'élégance. Le besoin de luxe, qui avait principalement profité pendant la période précédente aux monuments religieux, s'étend désormais à toutes les formes de la vie civile. Les pièces comptables, les inventaires, les statues des corporations, non moins que tant d'œuvres précieuses recueillies dans nos musées, nous disent quelle place l'art avait conquise chez les bourgeois aussi bien que chez les seigneurs, et combien la souplesse ou la légèreté de la forme tendait dès lors à l'emporter sur la richesse de la matière première. Prononcez les noms de Philippe le Bel, des papes français d'Avignon, de Mahô, comtesse d'Artois et de Bourgogne. C'est rappeler l'ardeur qui présidait aux fondations artistiques de toute nature. Particulièrement féconds furent à la fin du XIVe et au début du XVe siècle les encouragements prodigués aux arts par Charles V, ses frères les ducs d'Anjou, de Berry et de Bourgogne, et son fils, le duc d'Orléans. L'activité de Charles V allait des fondations les plus grandioses aux détails les plus minutieux. Partout, on découvre les effets de l'impulsion à la fois méthodique et ardente qu'il savait imprimer à tous les rouages de la vie sociale. Se réglant sur l'exemple de ses prédécesseurs, il essaya d'enrégimenter les artistes en les rattachant aux fonctionnaires de la cour, les uns comme valets de chambre, les autres comme sergents d'armes. L'architecte Raymond du Temple, le peintre Jean Coste. À Paris, l'agrandissement du Louvre sous la direction de Raymond du Temple, mort vers 1404, la construction de la Bastille réédifiée ou remaniée sous le règne de Charles VI, et surtout celle de l'hôtel Saint-Paul, puis dans les environs de la capitale, les travaux du fort de Vincennes et du château de Beauté-sur-Marne rendirent pour des siècles témoignage de ses goûts de bâtisseur. Rien de plus touchant que la tendresse avec laquelle le roi parlait de sa demeure favorite, l'hôtel de Saint-Paul. Considérant ce que notre hostel de Paris, appelé l'hostel de Saint-Paul, lequel nous avons acheté et fait édifier de nos propres deniers, est hostel solennel et de grands esbattements, et auquel nous avons eu plusieurs plaisirs, acquis et recouvrés à l'aide de Dieu, santé de plusieurs grandes maladies que nous avons eues et souffertes en notre temps, pour lesquelles choses et autres, qui à ce nous ont esmène, ayant saudit hostel amour, plaisance et singulière affection. Le duc d'Anjou, l'aîné des frères de Charles V, se distingua par son luxe plus peut-être que par la netteté de ses vues. L'inventaire de son argenterie comprend près de 800 numéros, représentant peut-être 1800 ou 2000 pièces d'une extrême richesse. Plats pour les fruits, nefs, salières, flacons émaillés, dorés ou ciselés, aiguères, bassins, drageoires, etc. Ce prince a en outre attaché son nom à la curieuse suite de tapisseries, l'Apocalypse, qui orne aujourd'hui encore la cathédrale d'Angers. Le fils de Charles V, Louis d'Orléans, aimait comme son père les fondations monumentales. La construction, l'agrandissement ou la décoration des hôtels de Bohême et des Célestins à Paris, du château de Coucy et surtout des châteaux de Pierrefonds et de la Ferté-Milon proclament sa magnificence. Il ne semble pas que son mariage avec Valentine Visconti ait pesé de quelque poids sur l'évolution de l'art. Et il ne pouvait guère en être autrement. L'Italie du XIVe siècle était la tributaire de la France, et non sa créancière, sauf pour la peinture. Le premier rang parmi les princes de la maison royale, pour l'ardeur non moins que pour la clairvoyance, appartient au duc de Berry. Que l'on envisage ses innombrables constructions, l'hôtel de Nesle, que les Parisiens démolirent, le château de Bicêtre, la plus belle demeure du royaume qu'ils incendièrent, les châteaux de Mehun-sur-Yèvre, de Concressault, les palais de Riom, de Poitiers, de Bourges, ou les inappréciables séries d'œuvres d'art de toutes sortes qui vinrent garnir ses vitrines, partout éclate le goût le plus sûr, joint à une libéralité sans bornes, qui s'exerça d'ailleurs plus d'une fois aux dépens du trésor royal. Sur quelques points de l'étranger que la renommée lui signala, soit un progrès réalisé dans la technique d'un art, soit une supériorité acquise par un artiste, il s'efforçait d'en conquérir un spécimen pour ses collections. C'est ainsi que les premières médailles coulées à Padoue, les marqueteries exécutées par les patients Intarsiatori siennois, les majoliques espagnoles, bref ce qu'il y avait de rare, de précieux, de nouveau, dans n'importe quel domaine, fixèrent l'attention de ce mécène insigne. À Avignon, à Rome ou à Constantinople, il demandait des ouvrages d'orfèvrerie. À Florence ou à l'Angleterre, des broderies. À Venise, à Chypre ou à l'Orient, des étoffes de soie. Malgré la distinction de son goût, ou peut-être en raison même de ce qu'il y avait de raffiné dans ses aspirations, l'action exercée par le duc de Berry n'eut rien de durable. Il put bien provoquer la création de chefs-d'œuvre, il fut impuissant à constituer une école. Cette mission était réservée à son frère, Philippe II le Hardi, duc de Bourgogne, 1363-1404. Au fils et au petit-fils de celui-ci, Jean sans peur, 1404-1419, et Philippe le Bon, 1419-1467. Étant donné leur double situation de souverain d'une des plus riches provinces de la France et de souverain des Flandres, ces princes ne pouvaient manquer de faire pencher la balance du côté où se manifestait l'entraînement le plus intense. Leur tâche fut facilitée et leur succès assuré par ce fait qu'au lieu de remonter le courant, ils le suivirent docilement, bénéficiant ainsi de toutes les sympathies que l'école flamande avait conquises en France dès le milieu du XIVe siècle. En résumé, à ce moment, les principaux centres d'activité sont Paris, Rouen, la Bretagne, qui se couvre de cathédrales et de châteaux, la Guyenne, le comtat vénessin, la Bourgogne, où le mouvement ne s'affirme toutefois qu'à la fin du siècle, et enfin la Lorraine. Caractère de l'art français au XIVe siècle. Le courant international. Pendant toute cette période, les mêmes courants d'art régnèrent d'un bout à l'autre de l'Europe catholique, et la pénétration n'eût pu être plus complète. Nos architectes et nos sculpteurs comptèrent pour disciples leurs collègues italiens, aussi bien que leurs collègues allemands, tandis que Giotto, le fondateur de l'école de peinture italienne, étendait son empire jusqu'au bord du Danube ou du Rhin. Longue est la liste des artistes français de toute nature, architectes, sculpteurs, peintres, orfèvres, qui travaillèrent à l'étranger pendant le XIVe siècle. La construction de la cathédrale de Milan est due en grande partie à nos compatriotes Nicolas Bonaventure de Paris, 1389-1390, à Jean Mignot, 1399-1402. En Bohême, Guillaume d'Avignon éleva le pont de Rothnitz, 1333, et probablement aussi l'église et le couvent de la même ville, tandis que Mathieu d'Arras commençait la cathédrale de Prague, 1344. qui fut achevé par un autre Français, Pierre de Boulogne, 1386. En revanche, les sculpteurs et les peintres flamands s'abattèrent sur la France en masse compacte. On a admis que le goût, de jour en jour croissant, pour les marbres des vallées de la Meuse ou de l'Escaut, attira sur les bords de la Seine les sculpteurs qui savaient travailler ces riches matières premières. Il arriva ainsi pour Tournai, par exemple, ce qui arriva plus tard pour Fiesole, pour Majano, Settignano, Rovezzano, Carrare, bref, pour toutes les localités voisines de grandes carrières. Les tailleurs de marbre se transformèrent en sculpteurs, les artisans en artistes. Cette explication toutefois est insuffisante. C'est parce que l'esprit public se détachait de l'idéalisme pour aller au réalisme que les artistes flamands, réalistes par tempérament autant que par éducation, trouvèrent tant d'accueil en France. Ne voyons-nous pas, à la même époque, par une corrélation fatale, tomber de plus en plus dans l'oubli les modèles antiques, si souvent mis à contribution encore par le XIIIe siècle. Quoi qu'il en soit, dès le règne de Charles V, les Flamands dominent à la cour. Jean Houennequin de Liège sculpte pour la cathédrale de Rouen et André Beauneveu de Valenciennes pour l'abbaye de Saint-Denis, les statues du roi et de la reine, tandis que Jean de Bruges peint le portrait du roi. Le duc de Berry emploie les miniaturistes Jacquemart du Hesdin, Paul de Limbourg et ses frères. Le duc de Bourgogne renchérit encore sur ses parents. C'est par douzaines qu'il fait venir les sculpteurs et les peintres originaires du Nord. Les peintres Melchior Broderlam et Hermann de Cologne, et surtout les grands sculpteurs Jean de Marville, Nicolas ou Klaus Schlüter, et son neveu Nicolas ou Klaus van der Werf, ainsi que l'armée de compagnons attachés à l'atelier de ses trois maîtres. À un moment donné, sa capitale, Dijon, pouvait passer pour une colonie flamande. À Bourges, Jean de Roupy ou Jean de Cambrai, Paul Mosselmann d'Ypres et plusieurs autres flamands exécutent sous Charles VII le mausolée du duc de Berry, en collaboration avec le français Étienne Bobillet. Rouen offre l'hospitalité vers le milieu du XVe siècle à Paul Mosselmann, Laurent d'Ypres, Gilles du Chastel, dit le flamand, Hennequin d'Anvers et à une foule d'autres flamands qui y sculptent les stalles de la cathédrale. Un chiffre achèvera de montrer ce que fut cette immigration. Sur 89 sculpteurs fixés à Troyes au XIVe et XVe siècle, 22 avaient pour patrie les Flandres. Naissance d'un art profane. Dans son discours sur l'état des beaux-arts en France au XIVe siècle, Renan insiste avec raison sur ce qu'il appelle la naissance de l'art profane. Les tendances nouvelles s'affirment non seulement par d'innombrables effigies, c'était un genre de représentation inconnue ou peu s'en faut à la période précédente, mais encore par l'illustration au moyen de procédés les plus variés des fictions de toute nature. Enlumineurs, ivoiriers, tapissiers, s'évertuent à mettre en œuvre les scènes décrites dans les romans de chevalerie, dans le roman de la Rose et jusque dans les pesantes élucubrations de Christine de Pisan. Il existe toute une série de boîtes à miroirs ou de coffrets inspirés des poèmes de Chrétien de Troyes. Par la même occasion, les sujets antiques retrouvèrent leur popularité. Mais combien défigurés ! À ne s'attacher qu'aux titres des peintures ou des tapisseries, on se croirait parfois revenu au temps d'Homère ou de Virgile. Ce ne sont qu'histoires de Paris et d'Hélène, histoires de Troyes, histoires d'Énée, histoires d'Alexandre. Est-il nécessaire d'ajouter que les acteurs de ces compositions n'avaient d'antique que le nom, costumes, types, paroles et actions, tout en eux était du Moyen-Âge. Les progrès de l'art profane eurent pour corollaire le développement des éléments comiques. Assurément, les sculpteurs romans avaient connu le grotesque, je veux dire des figures bizarres, des assemblages monstrueux d'hommes et d'animaux. Mais quelle maussaderie dans ces représentations! Quelle froideur et quel ennui! Désormais, le comique, qui est bien autre chose que le grotesque, domine et il s'empare de n'importe quel prétexte pour se mettre en avant. Voici, à l'austère cathédrale de Chartres, sous une série de dais, des démons debout chacun à côté d'un damné. Quelle variété et quelle verve en eux! L'un pousse devant lui une dévote vêtue de longs habits, l'autre une élégante mondaine coiffée d'un riche diadème. L'un aide l'avare à soupeser son sac d'écu, l'autre, embrassant une massue, comme le ferait une mère d'un enfant, chante quelques chansons infernales. On n'hésitait pas à l'occasion à faire de la sculpture une arme de combat et à la rabaisser jusqu'à lui demander des caricatures. Un avocat de Philippe de Valois, Pierre Quignet, avait entrepris d'enlever aux ecclésiastiques la juridiction temporelle, 1329. Le clergé de Notre-Dame, après l'avoir excommunié, le représenta par une laide figure placée au coin du jubé contre laquelle on éteignait les cierges. Elle resta clouée à ce pilori pendant des siècles. Dubreuil nous rapporte qu'elle était encore célèbre de son temps. « Et n'est aucun, dit-il, réputé avoir vu cette église, s'il n'a pas vu cette grimace. » Causes qui retardèrent chez nous la Renaissance. L'on a fait grand bruit, dans les derniers temps, d'une théorie qui consiste à revendiquer en faveur de la Flandre, ou plus exactement de la France du Nord, la paternité de la Renaissance. Ce paradoxe repose en réalité sur une confusion, pour ne pas dire sur un jeu de mots. Du moment où l'on se sert du terme de « Renaissance » pour désigner, non plus une période sur les limites de laquelle tous les historiens sont d'accord, mais chaque réveil, chaque essor qui s'est produit dans le domaine de l'art, il est certain que la France du Nord a eu sa renaissance, tout comme beaucoup d'autres régions à beaucoup d'autres époques. La vérité est que, vers la fin du XIVe siècle, la France pouvait entreprendre, avec des chances de succès aussi réelles que l'Italie, la grande œuvre du renouvellement de l'art, de la renaissance, pour conserver à ce mot son sens consacré. Ne comptait-elle pas en foule des amateurs non moins éclairés, non moins magnifiques, que les papes, les Visconti, les magistrats de Florence? Ne comptait-elle pas une série d'humanistes qui pouvaient se mesurer avec le confrère d'Italie, avec lesquels ils entretenaient, nous le savons pertinemment, un commerce épistolaire assidu? Enfin, ne comptait-elle pas une série d'artistes éminents, et en première ligne, le grand sculpteur Klaus Luther, les mules, bien plus, le précurseur direct des coryphées de la statuaire italienne du XVe siècle, Jacopo Delia Quercia et Donatello. Comment cette magnifique floraison fut-elle frappée de stérilité? Comment, à une ère aussi vivante et aussi exubérante, put succéder cette époque relativement si froide et si terre à terre qui s'appelle le XVe siècle? On a tenté plusieurs explications pour ce problème. Après s'être demandé pourquoi le pays où se produisait le grand réveil de l'art chrétien s'arrêta ensuite dans une sorte de médiocrité routinière, Renan attribue ce ralentissement à la disparition des écoles comme centre distinct, à l'influence flamande qui maintint l'art dans un luxe vulgaire, pesant, sans idéalisme, à la frivolité ou au manque de goût des princes. Le marquis de Laborde, de son côté, a cru découvrir dans l'influence flamande le vin rongeur de l'art français. L'imitation aveugle de la nature fit, dit-il, son succès et ce principe envahissant Sapa vers 1350 et remplaça bientôt les nobles traditions de notre école française du XIIIe siècle. À ce style sévère et gracieux à la fois, qui semble dans quelques tournures, dans la pose des têtes, dans le jet des draperies, une lointaine émanation de l'école où s'inspira Phidias, succédèrent peu à peu les qualités du modelé et une science anatomique qui lui manquait, mais malheureusement en même temps toutes les prétentions du tourmenté et une recherche étudiée de la naïveté. D'après M. Courajaude, nous n'eûmes pas alors, comme l'Italie, dans les tendances à l'imitation de la nature et dans l'enivrement de l'individualisme, le merveilleux contrepoids de l'imitation de l'antique. L'autorité fit défaut à notre enseignement. La liberté, conquise une première fois et plus rapidement que chez les autres peuples, ne fut pas sagement mise par nous à l'abri de la licence. L'art gothique transformé ne sut pas trouver, au milieu de ses extravagances, un frein salutaire dans un canon réputé indiscutable comme le modèle antique. En second lieu, les provinces dans lesquelles les rois de France et toute une nombreuse dynastie de Valois ménageaient l'éclosion d'une renaissance devinrent le théâtre de guerres atroces et de malheurs inouïs qui mirent la nationalité française à deux doigts de sa perte. À notre avis, cet avortement tient à d'autres causes encore plus spéciales. En France, la sculpture seule avait pris son essor, et cela grâce surtout à l'initiative des Flamands ou, si l'on aime mieux, des Français du Nord. La peinture ne s'était que faiblement associée à la révolution opérée par Giotto. C'était donc un facteur essentiel qui restait en retard sur l'autre. En outre, tandis qu'en Italie, Brunellesco, 1377-1446, en renouvelant l'architecture par un brusque et violent effort, avait donné à toutes les branches de l'art un cadre si ferme, le style gothique, qui sacrifiait de plus en plus à la fantaisie, laissait les autres arts aller à la dérive. Bientôt s'en fut fait de toute cohésion et de toute discipline. Conditions de l'art pendant le XVe siècle. Les conséquences de la lutte avec l'Angleterre ne se firent sentir qu'à la longue. Pendant plusieurs lustres encore, le luxe déployé soit par la cour de France, soit par la cour de Bourgogne, put donner l'illusion d'une prospérité sans pareille. Pendant cette période, le mécène le plus libéral, mais non le plus clairvoyant, fut le roi René. Ses relations avec les artistes des Flandres, aussi bien qu'avec ceux de l'Italie, les sculpteurs Laurana, Pierre de Milan, etc., lui eussent permis de faire pencher la balance, soit en faveur du réalisme représenté par les premiers, soit en faveur de la Renaissance qui s'incarnait dans les seconds. Mais sa mollesse le portait vers l'éclectisme, et ses sacrifices, si considérables et si variés, restèrent en somme étrangers à l'évolution générale de l'art français. On en peut dire autant des efforts tentés par un certain nombre de particuliers, parmi lesquels Jacques Coeur, Juvénal des Ursins, Étienne Chevalier, occupent la place d'honneur. Quant au roi de France, ils n'eurent que rarement le loisir, depuis Charles VI jusqu'à Louis XI, d'arrêter leur attention sur les choses de l'art. Ils subirent le goût régnant, loin de chercher à le diriger. Dans l'intervalle, l'activité artistique s'était déplacée. De nouveaux foyers prirent naissance, notamment dans la Touraine, l'Anjou et le Berry, tandis que le comtat venaissin, déserté par les papes, ne s'enrichit plus que de loin en loin de quelques œuvres d'art, et cela non pas grâce à ses souverains directs, mais grâce à la libéralité un peu désordonnée du roi René. L'architecture. Un coup d'œil sur les vicissitudes de chaque art considéré isolément fera ressortir les courants que nous avons essayé d'indiquer ci-dessus. Nous commencerons comme de raison par l'architecture. L'année 1270, date de la mort de Saint-Louis, coïncide avec l'apogée et le complet épanouissement du style gothique. La période que nous avons à étudier ici comprend une série de modifications de détails, plutôt qu'une évolution nouvelle. L'esprit qui avait présidé à la genèse de ce style ne cessa, en dehors de quelques exceptions à peine dignes d'être mentionnées, d'inspirer les productions nées entre la fin du XIIIe siècle et la fin du XVe siècle. Comparée aux créations religieuses de l'ère précédente, l'œuvre du XIVe et du XVe siècle manque d'unité et de grandeur. Le XIIIe siècle, nous citons Viollet-le-Duc, avait tant produit qu'il laissait peu à faire au siècle suivant. Les guerres qui bouleversèrent la France pendant les XIVe et XVe siècles n'auraient plus permis d'entreprendre des édifices d'une importance égale à nos grandes cathédrales, en admettant qu'elles n'eussent pas été toutes élevées avant ces époques désastreuses. Les édifices religieux complètement bâtis pendant le XIVe siècle sont rares, plus rares encore pendant le siècle suivant. On se contentait alors ou de terminer les églises inachevées ou de modifier les dispositions primitives des églises des XIIe et XIIIe siècles, ou de les restaurer, ou de les agrandir. Parmi les constructions religieuses les plus importantes de la fin du XIIIe et du commencement du XIVe siècle, il faut citer les églises Saint-Urbain de Troyes, Saint-Ouen de Rouen, commencées en 1318, Saint-Nazaire de Carcassonne. De 1364 à 1370, un groupe important de monuments, le collège de Saint-Benoît, la cathédrale de Saint-Pierre, etc., s'éleva à Montpellier sous les auspices du pape Urbain V. Pour le XVe siècle, la fondation la plus intéressante et la plus complète, peut-être, est Notre-Dame de l'Épine, dans le voisinage de Chalon-sur-Marne. Le plus souvent, on se bornait à compléter la décoration des édifices antérieurs. Tels sont pour Paris le porche et différentes parties de Saint-Germain-l'Auxerrois, le porche construit par maître Jean Gaussel, les églises Saint-Séverin, Saint-Gervais, Saint-Méry, Saint-Nicolas-des-Champs, pour Rouen, le porche de Saint-Maclou, pour la France méridionale, la décoration de la cathédrale d'Albi. La richesse de la décoration est le trait distinctif de la dernière période du style gothique. Les grandes lignes disparaissent de plus en plus sous la profusion des ornements. L'imagination se donne libre carrière, parfois au détriment des fonctions constructives. Le terme de style flamboyant caractérise à merveille cette exubérance, cette débauche. Ce ne sont que pinacles et clochetons, ornements ajourés, où la forme dominante est celle de flammes, balustrades découpées comme une dentelle, clé de voûte imitant les stalactites. Dans le domaine de l'architecture civile, le XIVe siècle est avant tout représenté par les constructions de Charles V et du duc de Berry. Si l'hôtel de Saint-Paul a mérité d'être comparé par Renan un peu irrévérencieusement à une vaste métairie, M. Bournon, de son côté, y constate l'absence de symétrie. Le palais du Louvre formait un carré assez régulier dans lequel se développaient, derrière les courtines, des salles nombreuses. Les tours y étaient multipliées et des constructions accessoires venaient compléter l'appropriation de l'édifice. Chaque tour avait son concierge ou capitaine et chacune était désignée par un nom particulier. Parmi les constructions civiles du XVe siècle, il faut citer en première ligne l'hôtel de Jacques Cœur à Bourges, 1443-1451, aujourd'hui le palais de justice. Ce n'est plus l'habitation étroite et irrégulière du Moyen-Âge où le souci de la défense l'emporte sur celui de l'agrément, mais une demeure ample et unie, riche et claire, se développant harmonieusement, pleine d'aisance et d'élégance. À Paris, l'hôtel de Cluny, élevé, croit-on, entre 1485 et 1510 par l'abbé Jacques d'Amboise, à Châteaudun, le château, à Beaune, la cour intérieure de l'hospice, à Rouen, le palais de justice, commencé en 1493, offrent également d'excellents modèles. Ces constructions marquent toutes un acheminement vers la Renaissance. À un moment donné, il suffira de substituer les fenêtres rectangulaires aux fenêtres ogivales pour avoir les châteaux d'Amboise, de Blois, de Fontainebleau, de Chambord. L'architecture militaire est représentée par le palais des papes à Avignon, 1315-1394, construit tout entier par des architectes français, à savoir Guillaume de Cucuron, Jean Poisson de Mirepoix, Jean de Loubière, Raymond Guiban, Bertrand Noguerolles, Bertrand de Mans, Jean Bisazzi, Henri Cluzel, Guillaume Colombier et peut-être aussi Pierre Aubréry. Cet édifice s'impose par sa masse plutôt qu'il ne se distingue par la richesse ou la légèreté des détails. La construction d'une vaste enceinte fortifiée, aujourd'hui encore fort bien conservée, complète dans ce domaine l'œuvre des papes d'Avignon, à laquelle font pendant, de l'autre côté du Rhône, à Villeneuve, sur les terres du roi de France, la tour de Philippe le Bel et le vaste fort de Saint-André. Autant il y a de lourdeur dans le palais des papes, autant il y a de vie et de mouvement dans le château de Pierrefonds, commencé en 1390, la plus grandiose des fondations du duc Louis d'Orléans. Si déjà les travaux entrepris à la Bastille par Charles VI, 1383, avaient substitué au système de fortification du Moyen-Âge des dispositions plus rationnelles et plus ingénieuses, ceux de Pierrefonds marquèrent une véritable révolution. Les défenses des tours y furent multipliées et les communications intérieures rendues plus faciles. Quant à la décoration de ce monument, telle qu'elle a été restituée par Viollet-le-Duc, elle donne l'idée d'un luxe très original. On y trouve des éléments fantastiques, des motifs orientaux, des monstres, etc., mais somme toute assez harmonieux. La sculpture. Quoique la sculpture sacrifie de plus en plus au réalisme, les pages monumentales sont loin encore de faire défaut. Nombreux sont les statues ou bas-reliefs qui continuent du nord au midi, de Beauvais, de Sens, de Laon, à Bordeaux, à Carcassonne, à Avignon, les traditions de la grande école du XIIIe siècle. On peut en juger par le couronnement de la Vierge, exécuté entre 1392 et 1407 pour la porte d'entrée du château de la Ferté-Milon, haine. Cette composition offre des figures pleines et ressenties, admirables comme ampleur et comme souplesse. Au fur et à mesure que la sculpture monumentale perd du terrain, la sculpture iconique en gagne. C'était dans la logique. Plus le réalisme faisait de progrès, plus on devait mettre de précision dans le rendu des physionomies individuelles. Parmi les statues de personnages vivants, il faut principalement citer celle du contrefort de la cathédrale d'Amiens. Le roi Charles V, le dauphin Louis d'Orléans, le cardinal de la Grange, Bureau de la Rivière, ce sont des portraits pleins d'aisance et de liberté. Les monuments funéraires contribuèrent plus efficacement encore à l'essor de la sculpture réaliste en y introduisant une foule d'éléments personnels. Les figures des défunts, les armoiries, des emblèmes ayant un caractère individuel. On considère comme les plus anciennes manifestations de ce besoin de vérité les statues tombales du fils et du frère de Saint-Louis, Louis et Philippe, à l'abbaye de Saint-Denis, puis celles de Philippe III le Hardi et de sa femme Isabelle d'Aragon, également à Saint-Denis, ces dernières exécutées par Pierre de Chelles et Jean d'Arras, 1290-1307. Bientôt, de vrais ateliers de tombiers imagiers se fondèrent à Paris. L'un des plus importants d'entre eux avait pour chef Jean Pépin de Huy, bourgeois de Paris, le sculpteur attitré de la comtesse Mao. Le principal représentant de l'école flamande en France pendant cette première période fut André Beauneveu, qui partagea sa carrière entre Valenciennes, où son nom apparaît en 1361, Courtrai, Paris et Mehun-sur-Yèvre, et qui travailla tour à tour pour Charles V, Louis de Mal et le duc de Berry. Trois statues tombales conservées à Saint-Denis, celles de Jean II, de Philippe de Valois et de Charles V, révèlent chez ce maître, qui tient une place si considérable dans l'art du XIVe siècle, des préoccupations de réalisme qui n'étaient toutefois pas assez puissantes encore pour l'affranchir de tout archaïsme. Les sculpteurs de Saint-Denis ne se croyaient pas astreints à une formule constante. Le plus souvent, ils représentaient les rois, le sceptre dans une main et l'autre main ramenée sur la poitrine, mais ces gestes étaient nuancés à l'infini. Il était d'ailleurs rare qu'ils parvinssent à imprimer à l'ensemble de la figure une véritable unité de mouvement, et le parti pris leur faisait généralement défaut. Plus curieux que les tombeaux de Saint-Denis était celui d'Enguerrand de Marigny, mort en 1315, dans l'église des Couy. Louis X le Hutin avait permis à la famille de faire élever un mausolée à cette victime des haines de Charles de Valois, mais il défendit qu'il fût fait mention dans l'épitaphe du jugement qu'il avait condamné. Vaine défense, l'intelligence statuaire se chargea de suppléer au défaut de l'inscription. Le mausolée fut construit en forme de chapelle. La statue d'Enguerrand reposait sur le sarcophage. Au-dessus de l'attique étaient élevées cinq figures en ronde bosse, grandes comme nature. Celle du milieu représentait l'Éternel, assis, vêtu d'une toge. À sa droite se voyait Enguerrand, à genoux, implorant son jugement, et derrière lui un ange qui tenait d'une main une couronne de cordes et de l'autre une trompette. À la gauche de l'Éternel était Charles de Valois, à genoux, attendant aussi son jugement, et derrière ce prince, un ange qui tenait une toise pour mesurer ses torts. Il eût été difficile de faire entendre plus clairement que l'accusé supplicié était absous par le jugement de Dieu, et l'accusateur, au contraire, condamné. L'événement capital dans l'histoire de la sculpture française de la fin du XIVe et de la première moitié du XVe siècle est la fondation de l'école de Dijon, qui se recruta d'ailleurs exclusivement parmi les artistes étrangers. Le chef de cette école, Nicolas ou Klaus Luther, avait pour patrie la Hollande. Il entra au service du duc de Bourgogne vers 1384 et travailla d'abord sous les ordres d'un autre flamand, Jean de Marville, qu'il ne tarda pas à éclipser. Trois groupes de sculptures proclament à Dijon le génie de ce grand artiste. Premièrement, les statues de la Vierge, de Philippe le Hardi, de Saint-Antoine, de Marguerite de Flandre et de Sainte-Catherine, sur la façade de la Chartreuse de Champmolle, terminées en 1394, d'une ampleur et d'une gravité admirables. Deuxièmement, les six prophètes du Puy de Moïse, entre 1396 et 1403, d'une caractéristique si saisissante, mais malheureusement de proportions trop trapues. Troisièmement, le tombeau de Philippe le Hardi, commencé en 1385 par Jean de Marville, continué par Claus Luther, terminé en 1412 par Claus van der Werve. Dans ce monument, le soubassement en marbre noir se compose de colonnes entre lesquelles circule une procession de pleureurs, en marbre blanc, partiellement doré, aux attitudes les plus diverses, les uns la tête recouverte d'un capuchon, en proie au désespoir, d'autres se prenant le menton, réfléchissant à la perte du prince, tous inimitables comme mouvement, accent pathétique, liberté. Quant aux draperies, Sluter et De Verve en font ce qu'ils veulent. Personne n'a su en tirer un tel parti. Prenez les capuchons. Tantôt ils sont ramenés en avant de manière à cacher le visage. Tantôt encore le pleureur les empoigne d'une main désespérée. En haut est couché le duc, figure peinte, les mains jointes. Près de sa tête sont agenouillés deux anges, aux ailes d'or, superbes de tristesse, avec des draperies larges et puissantes, contenant très peu de ces cassures si chères aux artistes flamands. Le contraste est saisissant. Dans le haut, le repos, le sommeil éternel, l'ignorance des misères humaines. Dans le bas, le deuil et le désespoir. Le neveu de Sluter, Claus de Werve, aussi appelé Claus de Vouzon, originaire de la ville de Hattheim, en Hollande, seconda activement son oncle à partir de 1393. Il attacha spécialement son nom au tombeau que nous venons de décrire. Les troubles qui signalèrent la seconde moitié du règne de Jean sans peur et la première partie du règne de Philippe le Bon condamnèrent à l'oisiveté cet artiste éminent dont l'existence se prolongea jusqu'en 1439. Le mausolée de Jean sans peur, commencé en 1443 par l'Aragonais Jean de la Huerta, terminé en 1470 par Antoine le Moiturier d'Avignon, rappelle, par l'arrangement général ainsi que par le détail, le mausolée de Philippe le Hardi, mais ne l'égale ni par la verve ni par le fini. L'action de Sluter ne fut pas limitée à la Bourgogne. Dans le comtat venaissin, la statue du Transi, un cadavre décharné, placé sur le tombeau du cardinal de Lagrange, mort en 1402, aujourd'hui au musée d'Avignon, révèle par son réalisme à la fois horrible et sublime l'influence, peut-être même l'intervention directe, du chef de l'école de Dijon. À Bourges, les pleureurs du tombeau du duc de Berry, quelques-uns au musée de Bourges, d'autres dans diverses collections particulières, procèdent en droite ligne des statuettes du tombeau de Philippe le Hardi. Deux sculpteurs, dont le rôle vient seulement d'être mis en lumière, propagèrent les principes de l'école de Sluter dans le midi de la France. Jacques Morel, de Lyon, mort en 1459, et son neveu Antoine le Moiturier d'Avignon, mort après 1493. Le chef-d'œuvre de Jacques Morel est le tombeau de Charles Ier de Bourbon et de sa femme Agnès de Bourgogne, dans l'église de Souvigny, à Lier. Les statues qui ornent ce monument, exécutées entre 1448 et 1453, se distinguent par la souplesse et le grand jet des draperies. La dernière production importante de l'école de Bourgogne, le tombeau de Philippe Pot, mort en 1494, primitivement à Citeaux, aujourd'hui au Louvre, s'impose par l'originalité et la hardiesse de la conception. La statue du défunt y repose sur une dalle portée par 8 pleureurs encapuchonnés, plutôt que par la souplesse et la pureté de l'exécution. Ce monument a été revendiqué, dans les derniers temps, en faveur d'Antoine le Moiturier. On peut affirmer que les statues de Sluter et de ses élèves marquent la rupture définitive avec la tradition du Moyen-Âge. L'art moderne prend naissance, un art fait de précision, de vie et de passion. Dans les physionomies, les attitudes, les draperies et jusque dans le rendu de la mort, l'affranchissement est complet. À l'interprétation conventionnelle, à la solennité de la première période gothique, se substitue une liberté et une animation infinies. Mais en regard de ces conquêtes, dues au réalisme flamand, il faut enregistrer les inconvénients inhérents à ce style. Les proportions naguère si élancées et si fines deviennent trapues. Les physionomies frisent parfois à la caricature. À l'école de Dijon fit suite l'école de Tours, qui s'efforça de concilier les tendances classiques avec un réalisme de bon aloi. Michel Colombe, mort en 1512, son principal représentant, a plus de pureté, mais moins de verve que Sluter et ses disciples directs. Comme ce maître appartient déjà à l'histoire de la Renaissance proprement dite, c'est dans un chapitre ultérieur de cet ouvrage que son rôle devra être étudié. La sculpture en bois le disputa en importance pendant cette période à la statuaire monumentale. Nos artistes trouvaient dans cette matière des facilités toutes spéciales pour fouiller les draperies et obtenir des profils hardis ou pittoresques. Qui sait s'ils ne finirent pas par appliquer au travail de la pierre ou du marbre les procédés, ou plus exactement les pratiques de la sculpture en bois, de même qu'en Italie le travail du bronze déteignit à tout instant sur la sculpture en marbre. La sculpture du XVe siècle, aussi bien que celle du XIVe, fut essentiellement polychrome. M. Courajaude a réuni un grand nombre d'exemples qui établissent qu'à Pierrefonds, à Amiens, à Reims, à Dijon, à Bourges, à Avignon, à Albi, les statues et les bas-reliefs exposés, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, étaient régulièrement peints et dorés. Ce travail d'enluminure était souvent confié aux peintres les plus en renom, tels que Melchior Broderlam ou Jean Malouel. La sculpture en ivoire reflète en petit les préoccupations de la statuaire monumentale. Elle offre tour à tour les vierges glorieuses et des scènes intimes, voire comiques. Une autre branche de la sculpture, la gravure de sceau, se distingue par l'allure et le mouvement, quoique tout y soit traité dans des données conventionnelles. Les personnages sont comme disloqués et désarticulés. Les chevaux, de véritables hippogriffes, semblent voler plutôt que courir. Dans l'orfèvrerie, on constate que les formes architectoniques, je veux dire les imitations d'édifices, cèdent de plus en plus la place à des formes inspirées du règne animal. De même que dans la dinanderie, on y trouve en foule des vases ayant l'aspect de quadrupèdes ou de bipèdes. Un singe coiffé d'une mitre d'évêque et donnant la bénédiction, une dame qui a la moitié du corps de femme et l'autre partie de bête sauvage, un coq, un lion, un griffon, un homme séant sur un entablement doré et ciselé, un serpent volant, etc., etc. Inventaire du duc d'Anjou, numéro 77, 302, 305, 306. Fin de la section 23.